السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء المبارك. حديثنا هذه الليلة كما تعلمون. Donc le sujet, comme je l'avais déjà annoncé au préalable, أن داعش ليست من الإسلام في شيء. داعش ne fait pas partie de l'islam. هذا حقيقة. Ça c'est une vérité. وسنعرف هذه الحقيقة. Nous allons découvrir cette vérité. بعد أن نعرف. Une fois qu'on aura pris connaissance. ما هم عليه. Ce sur quoi ils sont. الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم. بدأ دعوته. بدأ بدعوته. Il a commencé dans le prêche qu'il faisait. إلى التوحيد. À l'unicité. والتحذير من الشرك. Et à mettre en garde contre l'association. وإقامة الدين. Et donc à établir la religion. فاستجاب له الناس. Les gens ont répondu à son appel. وفي مكة. Et à la Mecque. كانوا مسلمين. Il y avait donc des musulmans. وكفار. Et des mécréants. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. Le prophète عليه الصلاة والسلام a émigré à Médine. ودعا إلى الهدى. Et il a appelé donc à la guidée. وانتشر الخير. Et là le bien s'est répandu. وظهر الحق. Et la vérité a triomphé. وارتفع منار الإسلام. Et le phare de l'islam s'est levé. فخرج فصيل ثالث. Donc il y a une troisième catégorie qui a vu le jour. مسلمين. Des musulmans. كفار. Des mécréants. ومنافقين. Des hypocrites. وناس أظهروا الإسلام. Des gens donc qui faisaient montrer. وأخفوا الكفر. L'islam et qui cachaient la mécréance. انتشر الدين. La religion s'est répandue. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. انتشر الإسلام. La religion s'est répandue. قوية شوكته. Et aussi devenu aussi fort. وكان النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète عليه الصلاة والسلام. يحذر من الاختلاف. Donc il mettait en garde sur la divergence. والافتراق. Aussi la scission. ويحث على الاجتماع. Il exhortait donc à l'union. والاعتصام. Et à l'attachement. بالحق والهدى. À la vérité et à la guidée. وحذر من البدع. Et il a mis en garde contre l'innovation. ومن الفتن. Et aussi contre les tentations. ما ظهر منها وما بطن. Qu'elle soit cachée ou apparente. ليس هناك فرقة. Il n'y a pas donc une partie ou un groupe. بعينها. Désigné. حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. Contre laquelle le prophète صلى الله عليه وسلم a mis en garde. كما حذر من الخوارج. Comme il a mis en garde contre les Khawarij. ورد في الخوارج. Donc il a été rapporté les concernant. أكثر من 100 حديث. Plus de 100 حديث. عن النبي صلى الله عليه وسلم. Rapporté du prophète صلى الله عليه وسلم. الصحيحين والسنن. Donc, que ce soit dans les deux authentiques ou bien dans les autres livres de Sunan. Et d'autres. Donc, et les auteurs de la Sunnah. Donc, ils ont écrit et ils ont rassemblé les hadiths qui traitent ce sujet. Le premier qui a pris le devant. Dhul-Khuwaysira. الذي قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Donc celui qui s'est levé et qui a dit au prophète صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم. Alors que le prophète صلى الله عليه وسلم. يوزع الغنائم. Donc il partageait le butin. يوم حنين. Le jour de la bataille de Hunain. فأتى عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il s'est mis à la droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلَمْ يَعْطِيهِ النَّبِي. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a rien donné. وَأَتَى عَنْ يَسَارَ. Puis après il s'est mis sur sa gauche. وَلَمْ يَعْطِيهِ. Et il lui a rien donné. وَأَتَى مِنْ خَلْفَ. Après il s'est mis derrière lui. وَلَمْ يَعْطِيهِ. Et il lui a rien donné. وَأَتَى بَيْنَ عَيْنَيْهِ. Donc il s'est mis face à lui. أَمَامَهُ. Devant. لما راى ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقسم له معهم et lorsque il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas donné une part قال يا محمد اعدل il a dit oh Muhammad sois juste قال ويلك il a dit malheur à toi ان لم اعدل من يعدل si moi je suis pas juste qui peut l'être فقام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. عمر الخطاب رضي الله عنه s'est levé. فسل سيفه. Il a tiré son épée. ليقتل هذا الرجل الذي يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا. Pour tuer cette personne qui a osé accuser le prophète صلى الله عليه وسلم de cela. قال رسول الله لا. Le prophète صلى الله عليه وسلم donc l'a retenu et lui a dit non. يخرج من ضئضاء هذا. De la descendance de cet homme. يعني من أمثاله. Il y a de ses semblables. De sa descendance, de ses semblables. Donc, les mêmes idées qu'il a et la façon dont il a et la conception des choses. Des gens. Vous allez mépriser votre prière face devant la leur. Et donc, votre prière nocturne vis-à-vis des leurs. Et votre jeûne aussi par rapport aux leurs. Donc, ils récitent le Coran. Mais ils ne dépassent pas leur gosier. Puis après, donc, ainsi les hadiths se sont succédés dans leur description. Donc, des gens insensés. Des gens fort jeunes. Voilà, parmi donc leurs caractéristiques, le fait de se raser la tête. Donc ils combattent les gens de l'islam et ils laissent ceux qui sont sur l'association. Pourquoi le Nabi ne l'a pas tué? Il a été rapporté dans d'autres hadiths qu'il avait dit حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه. Afin que les gens ne disent Muhammad صلى الله عليه وسلم donc tue ses compagnons. الآخرين ما يعرفون. Les autres donc ne savent pas. أن هذا الرجل. Que cet homme. من الخوارج. Fait partie donc des Khawarij. كان النبي صلى الله عليه وسلم. Prophète عليه الصلاة والسلام. ينظر لمصلحة أكبر. Il voyait donc un intérêt beaucoup plus grand. لأن الذين في الخارج car ceux qui sont à l'extérieur يعرفون أحوال المدينة ne savent pas donc ce qui se passe à l'intérieur de Médine ويأتيهم خبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل واحد et qu'il leur parvient donc une nouvelle que le Nabi عليه الصلاة والسلام a tué من هو عنده un de ceux qui sont auprès de lui فيقولون ils vont dire donc أنه قتل أصحابه qu'il a tué ses compagnons هذا ما يفهمون الناس لماذا قتل هذا؟ Donc les gens ne vont pas comprendre la raison pour laquelle il a été tué. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم mais le prophète عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الرجل Il a mis en garde contre lui. تحذير واضح. D'une manière claire et évidente. وذلك بقوله. Et ça, lorsqu'il a dit. يخرج. Donc de, il va sortir. من ضئضاء هذا. Donc des semblables de celui-là ou bien de sa descendance. هذا إشارة إلى شخص معلوم ولا شخص غائب. Voilà donc le démonstratif. هذا il montre quelqu'un qui est présent ou absent. هذا اسم إيش؟ إلى من؟ غائب ولا حاضر؟ Donc c'est un démonstratif qui désigne quelqu'un هذا. Qui est présent. هذا كلهم يرون. Donc tout le monde le voit. وهذا تحذير خطير. يعني تحذير عيني. Voilà donc et là c'est une mise en garde contre une personne identifiée. فالتحذير من أهل البدع هدي النبوي. Donc mettre en garde contre les gens de l'innovation, cela fait partie de la guidée du prophète عليه الصلاة والسلام. حذر من شخص بعينه. Donc il a vraiment désigné du doigt une personne. كلهم يرون. Tout le monde le voit. فالتحذير من أهل البدع منهج شرعي. Donc mettre en garde contre les gens de l'innovation fait partie donc de la voie qui est légiférée. وهذه الليلة. Et donc cette nuit. نحن نحذر من حذر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم. Nous mettons en garde contre ceux que le prophète صلى الله عليه وسلم a mis en garde. خرج الخوارج. Donc les Khawarij ont vu le jour. بهذه العقلية. Avec cette conception. أي عقلية. Donc laquelle? أريدكم تتأملون. Donc j'attire votre attention et j'attends de votre part de bien regarder les choses. الرجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم. Un homme qui dit au prophète صلى الله عليه وسلم. اعدل. Sois juste. في راسه عدل يرى أن الرسول لا يمارسه. Voilà donc dans sa conception des choses. Il y a une équité et une justice que le prophète ne pratique pas. Vous voyez la conception, la façon de penser. En d'autres termes, donc, en d'autres termes, ça veut dire si c'était lui qui faisait le partage, il aurait été beaucoup plus juste que le prophète. C'est-à-dire, d'une manière indirecte, le prophète était quelqu'un d'injuste. وهذا مبدأ الخوارج الظلم. Et donc et ça c'est leur principe, c'est basé sur l'injustice. Donc c'est des gens qui ont subi une injustice. وهم أظلم الناس. Il n'y a pas plus juste, plus injuste que eux. لعنة الله عليهم. Donc Allah les maudisse. لأنهم مستحقين اللعنة. Parce qu'ils l'ont mérité. ألا تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيهم كلاب النار. Ne savez-vous pas que le prophète صلى الله عليه وسلم les a décrits comme les chiens de l'enfer. تريد تكون كلب من كلاب النار؟ Donc, est-ce que tu souhaites l'être؟ اذهب مع الخوارج. Donc, va avec eux. هل هناك أبشع من هذا الوصف؟ Donc, y a-t-il plus une description plus horrible que celle-là؟ كلاب النار. Donc, les chiens de l'enfer. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. Donc, ils lisent le Coran, il ne dépasse pas leur gosier. Les savants disent, ça veut dire qu'ils n'atteignent pas leur raison afin qu'ils le méditent. Ni les cœurs, et ils y croient. Donc ils restent au niveau donc de leur bouche et leur gosier. Donc c'est pour ça donc qu'ils vont à la chasse dans les assemblées et les assises où on enseigne le Coran. Alhamdulillah, il y a donc louange à Allah, il y en a beaucoup donc qui est prêt en charge. Mais là, il faut prendre garde de qui est-ce qui est derrière cela. Donc ça, c'est leur discours depuis tout le temps. Al-Khawarij. Al-Khawarij. ما عقيدة الخوارج؟ وكلي لغدهم. الخوارج سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم. donc ce nom الخوارج c'est le prophète صلى الله عليه وسلم qui leur a attribué. وقال فيهم حديث عظيم. et il a dit à leur propos un énorme hadith. يمرقون من الإسلام. donc ils sortent de la religion. كما يمرق السهم من الرمية. De la même manière que une flèche sort et transperce sa proie. ثم لا يعودون فيه. et il n'y retourne pas. إلا أن يعود السهم على فوقه. يعني يرجع على وراء. Voilà, sauf si cette flèche elle peut revenir en arrière. وبهذا الحديث. Et avec ce hadith là. بعض أهل العلم. Certains علماء. كفروا الخوارج. Ils les ont considérés comme mécréants. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول. Parce que le prophète صلى الله عليه وسلم dit. يمرقون من الإسلام. Il sort de la religion. ثم لا يعودون فيه. Et il n'y retourne pas. وهذا خطير. Et donc ça c'est vraiment très dangereux. فإذا كان مقدمهم. Donc si celui qui était à leur tête. وأولهم. Et le premier. يرى أن الرسول لم يمارس العدل. Considère que le prophète sallam n'a pas été juste. لأن فراسه عدل ما حد مارسه. Parce que dans sa façon de voir les choses, il y a une injustice que personne n'a pratiquée. هنا نفهم. Donc là nous comprenons. لغة القوم. Donc leur discours. عندما لا يرون الخلفاء أهل. Lorsque donc ils considèrent que les califs qui sont venus après le sallam ne sont pas dignes de cette place. لماذا قتل عثمان؟ C'est pour cette donc pourquoi Uthman radhiyallahu anhu a été assassiné. لأجل الدنيا. Pour ce bas monde. ما يعطي. Donc il ne donne pas. قرب قرابته. Donc il a rapproché ceux qui sont les proches de sa famille. يعني كثير من التهم والكذب والافتراء. Donc tant d'accusations et de fausses accusations qui ont été dites à son encontre. من الذي مارس هذا؟ Qui est-ce qui a pratiqué cela? رجل من اليمن. Une personne qui vient du Yémen. يهودي. Donc un juif. اسمه. Dont le nom. عبدالله بن سبا. عبدالله بن سبا. أظهر دخوله في الإسلام. Donc il a fait croire qu'il est rentré en Islam. وأتى في المدينة. Et après il est venu à Médine. وما زال مع الناس. Et il est resté, il s'est fondu dans la masse. وأثار مسائل. Et il a donc fait susciter quelques problèmes et questions. منزلت علي. La place de Ali radhiyallahu anhu. والخلافة. Et خلافه le gouvernement. فتبنى بعض الناس كلامه. Et certains donc ont prôné sa façon de voir les choses. فرأى أنه قد اكتشف. Après donc, il a vu qu'il a été découvert. فر إلى العراق. Donc il s'est enfui en Irak. ومكث في العراق. Et il est resté là-bas. الغريب. Ce qui est étrange. أن هذا الرجل. Que cet homme. هو الذي أسس مذهب الخوارج. C'est lui donc qui a donné naissance à le الخوارج. والروافض. Et الروافض aussi. فجعل قوم يكفرون علي. Il a donc fait que certains considèrent que Ali radhiyallahu anhu était mécréant. وجعل قوم يعبدون علي. Et il a fait que d'autres l'adorent. ويقيمون مقام الله. Et ils le mettent à la place d'Allah سبحانه وتعالى. فاكتشف في العراق. Donc il a été découvert en Irak. فر إلى الشام. Donc il s'est enfui au Cham. وكان الوالي معاوية. C'était Muawiya radhiyallahu anhu qui était le gouverneur. وهو قوي في سلطانه في الشام. Et c'était quelqu'un qui était fort dans sa façon de pratiquer le pouvoir. ولديه الكثير من العيون. Et il avait donc tant d'espions. كما كان رسول الله يتخذ العيون. Comme le prophète sallam aussi avait des espions. ثم أول ما نزل اكتشف أمره. Et donc dès qu'il a mis les pieds, il a été découvert. فهرب إلى مصر. Il s'est enfui en Égypte. فباض فيها وفرخ. Donc c'est là-bas qu'il a donné donc naissance à tant de descendants. وهي مجموعات. Et il a su soulever certains groupes. وهو على تواصل مع من يتبعونه في المدينة والعراق والشام بالمكاتبات. Et il a toujours gardé contact avec ceux qui étaient sur sa même ceux qui étaient sur la même longueur d'onde que lui, qui a laissé derrière lui, que ce soit à Médine, que ce soit dans au Cham, bien que ce soit en Irak. بلغة العصرية. Dans le jargon moderne. كون خلايا نائمة. Voilà, donc il a donné naissance à des cellules qui dorment, comme des cellules dormantes. Donc avec laquelle il traitait avec des courriers. Donc il s'est mis une base arrière en Égypte. Et il a fait donc bouger donc une armée contre. وقال أظهر الأمر بالمعروف والمنكر النهي عن المنكر. الجيش ضد من؟ عثمان. Donc il a su soulever donc une armée qu'il a dirigée contre Uthman رضي الله عنه. وأنا شفت. أنا ما سمعت. ضد عثمان. فقال للناس اظهروا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. Il a donc dit aux gens faites passer ça sous le fait de recommander le bien et blâmer ce qui est blâmable. وطعنا في السلطان. Et donc vous pouvez critiquer le gouverneur. وهذا اللي حاصل. هذه مدرستهم. Donc et c'est ça leur école. آلية الممارسة يظهرون الغير على الدين والأمر والنهي. Donc la façon donc d'agir c'est ça, c'est de montrer une jalousie et une défense et de défendre l'islam. وسب الحكام. Et après injurier les gouverneurs. اللي يسب الحاكم. Celui qui injure le gouverneur. هذا هو الشجاع. C'est celui-là qui est le courageux. هذا فكر الخوارج. C'est ça donc la pensée. تدرون شو فكر أهل السنة؟ Vous savez donc c'est quoi la pensée de l'Al-Sunnah? C'est qu'il invoque qu'Allah guide leur gouverneur. Car si lui il est guidé, tout le monde sera réformé. C'est pour ça donc la preuve de quelqu'un qui est sur l'Al-Sunnah, c'est qu'il fasse des invocations pour le gouverneur. Et la preuve et la marque donc de l'Khariji, de celui qui fait partie de l'Khawarij innovateur, c'est celui qui fait des invocations contre son gouverneur. Donc, a eu lieu ce qui a eu lieu et ils sont venus, donc ils ont su cacher, magouiller. Même donc dans leur courrier. Voilà, donc et ils ont intercepté le courrier qui est passé donc de Muawiya à Uthman à Amr ibn al-As qui était le gouverneur d'Égypte. Donc ils ont ouvert le courrier et ils l'ont donc modifié et ils ont donc écrit un nouveau courrier. Donc ils ont falsifié le sceau et ils ont laissé donc ce courrier arriver jusqu'à Amr. Donc ils ont créé une tornade jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Uthman radiallahu anhu à Médine. Donc voilà, ils l'ont encerclé chez lui et ils l'ont tué. Donc celui qui l'a tué, il lui a mis 9 coups de poignard. Il a dit 6 de ces coups c'est pour ce que je te reproche moi personnellement. Uthman, il dépassait les 80 ans. Il l'assassine. Donc ils n'ont pas honte. Ils n'ont aucune pudeur, même celui devant qui les anges trouvaient une pudeur. Et ils pensent qu'ils sont sur la vérité. Ils tuent un qui est à qui le Nabi sallam de son vivant a annoncé le paradis. Allahu Akbar, qatalna. Donc Allah Akbar, nous l'avons tué. Al-Tajibi, c'est lui qui l'a tué, assassiné. Lama qatalu. Lorsqu'ils l'ont tué, ils ont dit aux gens, donc vous avez considéré que son sang il était licite. Donc, et c'est bien, vous ne considérez pas qu'elles sont licites. Et son épouse elle était près de lui. Et elle les empêchait de l'approcher. Et ces gens-là, donc c'est des gens de passion. Donc ils l'ont frappé sur son derrière. Donc ils ont dit allons-y donc au trésor public. Lorsqu'ils les ont vus donc arriver, ils disent on ne pensait pas que ces gens-là voulaient vraiment ce bas monde. Tous les khawarij, c'est des gens qui cherchent cours après la vie. Donc la religion elle est là, la prière, le jeûne. Mais ce qu'ils veulent, c'est l'argent et le pouvoir. Donc ils ont dévalisé donc, tout ce qu'il y avait dans les caisses de l'État. Et après, ils se sont tournés vers Ali radiallahu anhu. Et ils se sont dressés donc contre Ali radiallahu anhu et ils veulent avoir réparation pour ce qu'a subi Uthman radiallahu anhu. الخوارج في منطقة اسمها حرورة. Donc ils se sont retirés dans un endroit qui s'appelle Harura. فسموهم الحرورية. Donc d'où leur nom الحرورية. لماذا سموهم حرورية؟ لأنهم اجتمعوا في منطقة اسمها حرورة. Parce qu'ils se sont regroupés dans cet endroit qui s'appelle Harora. وهناك خوارج اسمهم الأزارقة. Il y a d'autres خوارج qui ont le nom الأزارقة. وهناك اسمهم الشراح. Il y a donc الشراح. وهناك اسمهم الحشاشين. اسمهم الحشاشين aussi. وهناك اسمهم القاعدة. Il y a donc ceux qui s'appellent القاعدة. وهناك اسمهم داعش. Et ceux qui s'appellent داعش. وهناك اسمهم النصرة. Et ceux qui s'appellent النصرة. أي اسم. Peu importe le nom. الخوارج هم الخوارج. الخوارج c'est les خوارج. والخارجي خارجي. Donc celui qui est خارجي c'est un خارجي. الآن يطيلون شعورهم. Maintenant là ils laissent pousser les cheveux. لأن صفة الرسول قال يحسماهم التحليق. Parce que le prophète a dit qu'il rase leur crâne. أنتم خوارج حلقتم رؤوسكم ولا ما حلقت. Voilà donc vous êtes des خوارج que vous laissez vos cheveux pousser ou bien vous les rasez. ما يغير تطيلون شعوركم عشان تخرجون من نص الخوارج. Voilà donc vous laissez pousser les cheveux pour ne pas correspondre à la description du prophète sallam. اجتمع الحرورية. Donc الحرورية ils se sont regroupés. حصل النقاش من عباس معهم. Donc il y a eu une discussion qu'ils ont eu avec Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه. ناظرهم. Donc il a parlé, il a abordé le sujet avec eux, il leur a montré. رجع 4000. Il y a 4000 donc qui sont revenus. ثم ماذا؟ Puis le reste. بقي منهم من تعصب لقوله. Et il y a donc ceux qui sont encore restés attachés à ce en quoi ils croyaient. Ils ont combattu. Et Ali, radiallahu anhu, il les a tués. Donc il les a exterminés tous. Donc il y a 9 qui sont sauvés, qui ont réussi à se sauver. منهم عبد الله بن أباض. Donc parmi eux, Abdullah ibn Abbad. الذي تسمى به الأباضية في عمان. Donc celui, donc la secte qui se trouve à Oman qu'on appelle Ibadiyya, donc ils tirent leur nom de cet homme-là. الخوارج الذين في عمان. Donc ces خوارج qui se trouvent à Oman. الأباضية هم من إرث عبد الله بن أباض. Donc voilà, ces gens-là, ce sont l'héritage de Abdullah ibn Abbad. وناس تفرقوا. وناس تفرقوا. Et après il y a les autres qui se sont éparpillés. اجتمع منهم ثلاثة. Il y a 3 donc qui se sont réunis. في الكعبة. À la Kaaba. وهم في المسجد الحرام. Alors qu'ils étaient donc au sein de la mosquée sacrée. قالوا. Et ils ont dit. ألا ترون. Vous ne voyez pas. ما حصل لإخواننا. Ce qu'ont subi nos frères. ألا نثأر لهم. On ne peut pas, donc ne dois-je pas prendre la revanche pour ces gens? Donc il y avait Abdurrahman al-Muljim et al-Tamimi et le troisième. Ils ont dit donc, qu'en est-il? Donc ils ont dit, on va combattre les dirigeants ou bien l'a'imma de la mécréance. Donc qui désigne-t-il par cela? Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, à qui on a annoncé le paradis du juste de son vivant. Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu, khal al-mu'minin. Donc qui est l'oncle maternel des croyants. والثالث عمر بن العاص. Et le troisième donc Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Amir Mosul. Donc qui était le gouverneur de l'Égypte. هؤلاء عندهم هم أئمة الكفر. Donc pour eux ce sont là les imams de la mécréance. صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. Les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. قالوا وما ذاك؟ Ils ont dit alors comment faire؟ قال ابن ملجم أنا علي علي بن أبي طالب أنا بقتله. ابن ملجم il a dit le cas de علي رضي الله عنه c'est moi qui m'en occupe. الثاني التميمي قال أنا علي معاوية. التميمي il a dit moi je m'occupe de sorte de معاوية. الثالث قال أنا علي عمر. Et le troisième a dit c'est عمر pour ma part. اجتماع. Donc c'est une réunion. توزيع أدوار. Voilà donc et une distribution des rôles. تخطيط. Donc une façon donc de tracer de poser une stratégie. ما أشبه الليلة بالبارحة. Donc qu'est-ce que hier ressemble à aujourd'hui? أنا متعمد. Donc je fais exprès. التسلسل التاريخي. Donc de citer cet enchaînement historique. حتى تعلمون. afin que vous sachiez que chaque groupe et chaque peuple il tient un héritage de quelqu'un qui l'a précédé. Et aussi bien, aussi longtemps que le temps change, chacun donc prend son héritage de ceux qui les ont précédés parmi les innovateurs. Donc, celui qui a dit, moi, je m'occupe du sort de Muawiya. Quand? قالوا في فجر ثالث جمعة من رمضان القادم. Donc à l'aube de la prière donc de الفجر du prochain mois de Ramadan. تخطيط. ثالث جمعة. فجر. ثالث جمعة. رمضان القادم. Voilà donc la prière de l'aube du troisième vendredi du Ramadan prochain. توزع الأدوار. Donc ils se sont distribués les rôles. Ils ont donc mis une stratégie. Donc il y a un soutien financier. Donc détermination donc, de la mission. Donc ils ont mis une heure. Donc une heure précise pour exécuter les ordres. Voilà, donc c'est un plan terroriste qui date de jadis. اغتيالات. Donc des assassins. ذهبوا. Qui sont partis. وانتشروا في العالم الإسلامي. Donc ils se sont répandus et éparpillés dans le monde musulman. واحد ذهب للعراق. Un donc qui a pris route vers l'Irak. واحد ذهب للشام. Un au Cham. واحد ذهب لمصر. Et un en Égypte. وهذا المخطط اللي في روسيا. Voilà donc le plan qu'ils avaient en tête. بالملجم وصل للعراق. Le Muljim, donc, il est arrivé en Irak. Là, vous avez déjà entendu ce nom ou jamais? Le Muljim, حافظ القرآن. Voilà, ça, c'est une personne qui connaît le Coran par cœur. متتلمذ عند الصحابة. Il a été un élève des compagnons. معاه تزكية خطية من عمر بن الخطاب. Voilà, donc, il y a une tazkiya écrite de la part de Umar رضي الله عنه. مكتوب فيها. Dans laquelle il est écrit. من أمير المؤمنين. Donc du chef des croyants. Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab. Ila Amr ibn al-As. Amr ibn al-As. Arsaltu laka bi rajul. Je t'ai envoyé un homme. Atharatu bihi laka ala nafsi. Voilà donc que je au lieu donc j'aurais bien préféré le garder auprès de moi mais je vais te le laisser auprès de toi. Ij'al lahu daran. Donc accorde-lui une maison. Yu'allim an-nas al-Quran. Afin qu'il enseigne aux gens le Coran. التزكيات ما تنفع إذا أهلها تغير. Voilà donc les tazkiyah, si les gens ont changé, elle ne leur est d'aucune utilité. هذا من تلاميذ الصحابة. Donc c'est un élève. بعض الخوارج درسوا عند ابن باز وعند ابن عثيمين بعضهم كتبوا لهم. Donc il y a tant de khawarij qui ont été élèves de Cheikh Ibn Baz رحمه الله et Cheikh Uthaymeen, mais les khawarij restent des khawarij. ما تنفع. مدحتهم لهم أو ثناءهم عليه. Voilà donc l'éloge qu'on fait ces chouyoukh pour eux ils ne leur est d'aucune utilité. لأنهم خوارج. Car c'est des خوارج. الصحابة ما يضرهم من هؤلاء درسوا عندهم. Donc par rapport aux compagnons que ces gens-là aient pris ou bien ils ont été leurs élèves cela ne leur nuit en rien. مهم بعلى خط الصحابة. Ils sont pas sur la voie des compagnons. غيروا بدلوا. Ils ont changé. كذلك الذين في العالم الإسلامي. Aussi ceux qui se trouvent aujourd'hui dans le monde musulman. Donc ils ont changé tant de choses. يضرون أنفسهم ما يضرون الحق وأهله. Donc ils ne nuisent que leur propre personne et ils ne nuisent rien à la vérité. تزكية خطية من عمر بن الخطاب. Voilà donc il a une tazkiya écrite de la part de Umar رضي الله عنه. ما اختار الصحابة فيها لأن الرجل انحرف. Voilà les compagnons donc ils ont été leurrés par cela. ولا ضر عمر. La personne a dévié. Et cela aussi n'en nuit pas à Omar radiallahu anhu qui a porté donc cette recommandation. Jamais, ni les compagnons. Donc cet homme s'est installé en Irak. Et il a donc pris en main un jeune. Voilà, les gens, et les, généralement chez la jeunesse, il y a un certain enthousiasme. C'est pour ça donc je mets en garde tous ici en Europe qu'ils prennent garde à leurs garçons et leurs filles afin qu'ils ne soient pas donc du bois pour l'enfer avec Daesh. Ibn Muljim. Ibn Muljim. وجد شاب. Il a trouvé un jeune. قال ما تريد الجنة. Il a dit tu veux pas le paradis. هل لك بأمر. Il a dit est-ce que ça t'intéresse une affaire. فيه خير الدنيا والآخرة. Dans lequel il y a le bien aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. قال وما ذاك. Il a dit et quoi qu'en est-il. قال نقتل علي. Il a dit donc on tue Ali. الغلام اندهش. Donc le jeune a été foudroyé. قال أبصر ما تقول. Il a dit tu comprends, il a dit tu mesures les mots que tu dis. ألا تعلم منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a dit tu sais pas donc la place qu'il a auprès du prophète صلى الله عليه وسلم. ألا تعلم أنه مبشر بالجنة. Il a dit tu ne sais pas que c'est quelqu'un à qui on a annoncé le paradis. ألا تعلم. Ne sais-tu pas, il lui a rappelé. المقابل. Donc à l'opposé de l'autre côté. Ibn Muljim. أما تعلم ماذا فعل بإخواننا؟ Il lui a dit donc ne sais-tu pas tout ce qu'il a fait subir à nos frères؟ قتلهم فعل les a tués, فعل. ولا يزال يشحن قلب الغلام. Il n'a cessé donc de lui mettre la haine dans le cœur. حتى عمل له كما يقال بعبارة عصرية غسيل مخ. Voilà donc jusqu'à ce qu'il lui a fait ce qu'on dit dans avec les mots modernes un lavage de cerveau. فأصبح الشاب معه واثقة. Donc, ainsi donc, c'est devenu un jeune. Il a su donc convaincre un jeune qui voit ses idées. Voilà donc l'heure zéro est arrivée. Le l'aube de ce vendredi. Il l'en ratait. Donc, Omar radiallahu anhu, donc il va prier la prière de le Fajr. فإذا به وهو يمر بالأبواب ويقول الصلاة الصلاة. Donc il passe dans les rues et à côté des portes et il crie la prière la prière. ينبه الناس. Donc il réveille les gens. فإذا بالغلام قد التقى به. Et voilà donc que le jeune le rencontre. فسل سيفه فقتل الغلام. Il a donc tiré son épée et il a tué le jeune. فإذا بن ملجم قد مسك بالسيف وقد سمه 40 يوم. Voilà que Ibn Muljim, lui aussi, derrière, il avait tiré son épée, une épée qu'il avait laissée tremper dans le poison pendant 40 jours. Voilà, donc, il l'avait aiguisé avec du poison. Voilà, donc, il l'a frappé donc au milieu de la tête. Et il dit, goûte le châtiment d'Allah, ô ennemi d'Allah. Il parle à qui ? يقصد علي بن أبي طالب. يبارك علي رضي الله عنه. سيتنا من الله. وابن ملجم يردد القرآن ومن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. Et en faisant cela, donc il récitait le verset et celui qui rache, celui donc qui vend son âme dans la recherche de l'agrément d'Allah. دائما الخوارج يزكون أنفسهم. Donc tout le temps, الخوارج donc ils font leur propre tazkiyah. ومن وجدت دائما يثني على نفسه وأني ما انتبه. Donc toute personne qui est نزعة خارجية. Voilà toute personne qui est satisfait de tel-même, toujours moi, celui-là, prend garde. Parce qu'il a... Au contraire, le croyant, il se met toujours en cause. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne faites pas votre auto-tazkiyah. C'est lui qui connaît, celui qui est digne de piété. Et il a donc frappé Ali radiallahu anhu. Donc il a été arrêté. Et Ali radiallahu anhu, donc il était encore en vie. قال هذا ما حملك على هذا. Il lui a dit oh toi qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce que t'as fait. ألم نعمل لك كذا ونعمل. فبدأ يذكر أشياء فعلها له. Donc il lui a dit je t'avais pas mis à ta disposition telle et telle et telle chose qu'il lui avait cité. وهو ساكت. Et l'autre il s'est tu. وفي الذكر مشغول. Voilà et en faisant le rappel. من هو اللي في الذكر. ابن ملجم. الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ما يرد عليه في الذكر. Donc il ne leur répond pas, il fait son dhikr. Donc Allah le maudisse. Aïe dhikr. Quel dhikr. On a dit t'invoque ton Seigneur. Donc ça c'est un shaytan. Voilà, donc aujourd'hui on leur sort des photos, on leur dit tiens, sens, ça c'est l'odeur du musc de un tel. دم المسك يوم القيامة مو في الدنيا. Voilà, donc il dit ce sang qui sent le ce sang qui du martyr qui sent le musc, c'est pas ici, c'est dans l'au-delà, et non pas ici dans ce bain. القيامة والدم لون الدم والريح ريح المسك هذا يوم القيامة مو في الدنيا. Voilà, ce hadith, le hadith de Nabi sallam que la couleur c'est la couleur du sang et l'odeur c'est l'odeur du musc, ça c'est le jour de la résurrection. شم ريح مسك تعال مش معنا جهاد سبيل الله. يقودونهم كالغنم. Voilà, il dit tiens sang viens avec nous, il dit ils les prennent comme des moutons. يقودونهم يتلاعبون بعواطف الشيطان. Voilà, donc ils jouent avec les sentiments des gens. الجنة. Le paradis. قتلوا. قال لا تقتلوني. Donc il a dit ne me tuez pas. قطعوا أوصالي. Il dit donc découpez-moi. اجعلوا آخر ما تمارسون لساني. On a dit que la dernière chose que vous touchez, c'est ma langue. Donc ils l'ont découpé et lui, il n'a pas pipé un mot. Et toujours sa langue dans le rappel. Fitna. Donc, quelle épreuve. Voilà, donc aujourd'hui, le Khawarij, il y a un qui lève ses mains et qui répète le shahada. Ibn Muljim, vous faites des kirs, vous me yurturez. Moi, le jamidi, il était dans le déclat de qu'il était en train de tuer. Donc, fitna. Ne sois pas doré. L'un comme l'autre, c'est pareil. Fitna. Donc, ces gens-là, donc, ils ont suivi. Mu'awiya ibn Abi Sufyan. Mu'awiya radiallahu anhu. Atah dhakar rajul fil fajr. Donc, cet homme-là, il lui est venu à la prière de l'aube. Walahadu. Kulluhum salat fil fajr. Ma sallaha. Voilà. Et regardez tous, ils n'ont pas prié la prière de fajr. Wa a'zamu salah. Et donc, la prière la plus importante. Fajr al-jum'ah jama'ah. Voilà, donc la prière de Fajr en groupe. Au Ramadan, le jour du vendredi. الأواخر, et en plus dans les 10 derniers jours de Ramadan. Qu'Allah donc les maudisse. Et moi quand je dis qu'Allah les maudisse. Parce qu'il y a un compagnon lorsqu'il a vu leur tête accrochée au Sham. Et a dit qu'Allah les maudisse. Il y a un homme qui lui a dit et tu les maudis. Et il a dit j'ai entendu le prophète sallam le dire. Il a dit et c'est toi qui l'as entendu. Il le regardait. Il a dit par Allah donc j'ai vraiment du culot. Je l'ai entendu. Il a dit et dans ta terre ils sont, c'est-à-dire dans ton pays ils sont nombreux. Et ils sont très nombreux, qu'Allah donc réduit leur nombre. Si tu vois quelqu'un qui se met en colère lorsque tu blâmes le khawarij, donc ils sentent leur odeur. Donc cet homme est venu à Muawiyah pour le tuer. Muawiyah donc a fait attention. Et donc voilà que son épée, elle touche son derrière. Donc les gardes, ils l'ont attrapé. Et voilà que l'homme dit, il lui dit à Muawiyah, est-ce que tu veux que je t'annonce une bonne nouvelle? Et il lui a dit, et laquelle? Il a dit, Ali a été assassiné aujourd'hui. Voilà, il dit la distance qu'il y a entre Sham et l'Irak, elle est énorme. Comment une information peut arriver en un seul jour, en une journée? Il y a dit d'où tiens-tu cette information? Il y a dit on s'est mis d'accord pour cela. Donc il a compris tout de suite que c'était quelque chose qui était organisé. Donc il s'est attristé. Il a dit il se peut que Ali radiallahu anhu avait mis aussi, lui aussi une garde rapprochée. Il a dit non, lui il ne prend pas de garde. Voilà, donc ils avaient déjà tout étudié. Voilà, donc tous les éléments du crime ils étaient présents. Muawiyah radiallahu anhu a donné l'ordre qu'on le tue. Et il a demandé à un médecin. Il lui a dit donc tu as été empoisonné. Et donc ta blessure elle est empoisonnée. Il a dit c'est quoi le remède? قال أمري. Il a dit deux choses. إما أن نكويك بالنار. Voilà donc c'est ou bien la cauterisation avec le feu. أو أن نسقيك سقا. Ou bien qu'on te donne une boisson. قال لا طاقة لي بالنار. Il a dit je ne supporterai pas la chaleur du feu. أين السقا. Il a dit donc elle est où cette boisson? قال إنه يقطع النسل. Il a dit c'est une boisson donc qui va te rendre stérile. قال في يزيد وأخيه كفاية. Il a dit dans Yazid et son frère j'ai déjà assez. وعاش نحو 20 سنة بعدها. Et il est resté, et il a donc vécu 20 ans après. واتخذ بعدها معاوية الحرس. Et suite à cela, معاوية رضي الله عنه a pris une garde rapprochée. والمقصورة. Et aussi donc une pièce où il était retiré. المقصورة الموقع الخاص في المسجد. Voilà donc c'est une pièce qui est réservée à l'intérieur de la mosquée. وبعد هذا. Et après cela. اتخذ الحكام والملوك والرؤساء الحراسة أثناء صلاة الجمعة. Voilà donc et suite à cela donc tous les gouverneurs, tous les rois, ils ont pris donc des gardes qui les surveillent pendant la prière du vendredi. والسبب الخوارج. Et tout cela à cause de الخوارج. معاوية بن أبي سفيان. عمرو بن العاص. عمرو بن العاص رضي الله عنه. ماذا حصل؟ Qu'est-ce qui est arrivé؟ كان تعبان. Il était épuisé. به وعكة. Donc il était souffrant. ما استطاع أن يصلي الفجر في المسجد. Il n'a pas pu donc se rendre à la mosquée. فصلى خارجة. Donc il a prié à l'extérieur. رئيس الشرطة. Donc le chef donc de la garde de la police. فأتى الرجل فقتل خارجة. Voilà, donc celui qui était programmé pour l'assassiner, il a assassiné celui qui l'avait remplacé. Voilà, croyant que celui qui avait dirigé la prière, c'était Amr ibn al-As. Donc lorsqu'il est venu à la prière de Dhuha, et voilà qu'il trouve que Amr il arrive et cet homme-là il a été arrêté. Donc et voilà que les gens saluent celui qui arrive d'une façon dans laquelle on salue un gouverneur. فقال إذا من قتلت؟ Il a dit donc qui avais-je tué؟ فقال له عمر. عمر lui a dit. أردت عمرا وأراد الله خارجه. Voilà donc il lui a dit toi ce que tu voulais c'est عمر mais celui qui a été tué c'est خارج. فانطلقت مثلا. Et donc il s'est resté un exemple. الشاهد هذا مخطط القوم. Donc ce que je veux dire ça c'est leur façon de programmer les choses. لم يرونه عدل. Donc Uthman radiallahu anhu, ils ont considéré qu'il n'était pas digne. Donc ils l'ont assassiné. Ali ibn Abi Talib, لا يرونه أهل, قتلوه. Et Ali non plus, il n'est pas digne de sa place. Donc ils l'ont assassiné. الرسول يقول له عدل. Et le prophète sallam, il lui dit, sois juste. من ليعجبه. Donc qui peut les satisfaire ces gens-là? لا تستغربون بتكفيرهم الحكام المعاصرين. Donc ne soyez pas, ne trouvez pas étrange le fait qu'ils considèrent que les gouverneurs actuels sont des mécréants. هذه هي نظرة القوم. Donc c'est leur façon de voir les choses et leur conception. هذا الخوارج من حيث التاريخ. Ça donc c'est l'histoire de ces gens-là. أتت بعدهم فراق وفراق وفراق. Tant de groupes sont venus après. والزمان المعاصر هذا. Et donc à l'heure actuelle, الذي أحيا فكر الخوارج. Donc qui a fait revivre cette pensée. جماعة. Ce sont des gens. قامت على هذا الأمر. Donc qui se sont mis d'accord sur cette cam. Donc au départ, donc ils considèrent que les gouverneurs sont des mécréants. وهي موجودة. Et donc elle existe. ولها فكر ولها طرح. Donc et ils ont aussi. ولها مدرسة. Ils ont une pensée, c'est une école. فالبنا لما طرح كتاباته في جماعة الأخوان المسلمين. Donc Hassan al-Banna lorsqu'il avait écrit ses ouvrages et sa pensée pour les frères musulmans. مارسوا كل هذه الأشياء مع النقراشي ومع فاروق ومع كل. Ils ont pratiqué toutes ces choses-là avec leur gouverneur, sur Farouk ou Nakhrashi. بإحياء التاريخ القديم. Donc en faisant, en refaire revivre l'histoire passée. سيد قطب وكفر كل المجتمع. Donc jusqu'à ce que سيد قطب est arrivé, il a considéré que toute la société était mécréante. وانتشرت هذه المدرسة. Et cette école donc elle s'est répandue. وخرج التنظيم السري. Donc et l'organisation secrète a vu le jour. بمن فيه الظواهري ومن معه. Voilà avec donc الظواهري et tous ceux qui le suivent. فهربوا إلى أرض أفغانستان. Donc ils se sont tous enfuis en Afghanistan. ومعهم عبد الله عزام والجماعة اللي معهم. Voilà et avec عبد الله عزام et tous ceux qui sont avec. وكونوا الخلايا. Et donc et ils ont donné naissance à des cellules. مع بن لادن. Avec بن لادن. وسووا القاعدة. Donc ils ont donné naissance à القاعدة. هذا الفكر. Et donc cette conception et cette façon de penser, donc ils ont bu Donc ils en ont fait donc des vaccins. Donc à chaque fois donc il y a des musulmans qui arrivent, ils leur vaccinent, ils leur font ce vaccin. Donc ils sont aidés avec des côtés extérieurs. Lorsque nous abordons le sujet donc des gens de l'innovation, comme des gens d'innovation. Donc quant à ceux qui leur ont apporté un soutien, ça c'est la fabrication de qui? C'est pas ça donc qui nous fait bouger. Donc que la description donc d'un khariji tel qu'il a été décrit dans Shara. Voilà donc que ce pour nous ça c'est beaucoup plus fort que dire que ça c'est une fabrication de telle organisation secrète quoi que ce soit. Donc on dit il se peut oui qu'ils sont aidés, qu'il y a un soutien. Comme il l'a fait donc Ibn Saba. Mais eux خوارج. Ça reste des khariji. وهذه عندنا في نفرة نفوسنا أشد من أن تكون نفرة نقول صنيعة كذا أو كذا. Voilà, et pour nous donc repousser cette idée là, elle est beaucoup plus forte que de dire ça c'est la fabrication d'un instrument ou bien d'agent secret ou. أو صنعتهم دولة كذا أو كذا. Ou bien c'est la fabrication de tel pays ou quoi que ce soit. هم خوارج. Ce sont des خوارج. القاعدة معروف شطها. Donc la قاعدة sont mal y répondu, il est connu. أين بن لادن مدري. Où est بن لادن, on ne sait pas. مادي. قتلوه ما قتلوه في البحر رموه أين هو؟ ils l'ont tué, ils l'ont pas tué, ils l'ont jeté dans la mer, j'en sais rien. ولسنا في صدد أن ندري أو لا ندري. Donc nous on n'est pas en train de parler donc le fait de savoir ou pas. لكن الفكر منتشر. Mais ce qui est intéressant c'est que cette pensée elle est répandue. وتسرب. Et voilà, il s'est. من الحدود. Voilà, donc il est passé donc à travers les frontières. De l'Afghanistan. À l'Iran. Donc par l'Iran. À l'Irak. En Irak. Donc il a, c'est là qu'il a donné le plus grand nombre d'enfants donc en Irak. Donc jusqu'à ce que c'est l'arrivée de Daesh. Dal. Donc le Dal. Daoula. C'est État. Daoula. Alif. Le Alif qui est là. Islamique. Donc islamique. Ain. Donc le Ain. Irak. L'Irak. Chine. Chine. Sham. Sham. Daesh. هذا معناه. Donc c'est ça, دولة الإسلامية العراقية الشامية. Donc c'est ça ce que signifie ce symbole. داعش. وخرج فيلم قصير. Et donc ils ont mis un court donc film. Un court métrage. Oui. فيلم. رجل أبو بكر البغدادي. Donc un homme qui s'appelle Abu Bakr al-Baghdadi. أنا خليفة المسلمين. Donc je suis le calife des musulmans. وبس. Et après bon, fini. وين الفيلم هذا؟ يوسفين ما عاد شفناه. Après on l'a plus revu. ولا سمعناه. Ni on les a entendus. الله أعلم وين. Allah seul sait où est-ce qu'ils sont. خرجت مجموعة أبو محمد الجولاني. Après donc c'est le groupe de Mohammed al-Jolani qui est sorti. وشوفوا أسماءهم. Regardez leurs noms. أبو بكر بغدادي. أبو بكر بغدادي. أبو محمد جولاني. جولاني. قبله أبو مصعب زرقاوي. كله غامض بغامض. Tout est sombre. كنا بلدان. Voilà donc des noms. من هذا ما تدري من هذا. Voilà des noms donc qui renvoient vers des pays. Qui sont ces gens-là? Allah. Allah أعلم وش. Donc Allah qui sait. لكن حطبها أبنائنا. Voilà, le problème c'est que le combustible de tout cette fête sont nos propres enfants. سواء من المسلمين في البلاد العربة أو من المسلمين في بلاد أوروبا أو من المسلمين يجمعون. Voilà donc ils brassent partout, que ce soit dans les pays musulmans ou bien dans les pays non musulmans. لا تستأذن والديك. Voilà, donc ne demande pas la permission, ne reste pas dans ton pays. La بنت العذراء تعالي لا يحتاج جهاد النكاح تعال. Donc la femme qui n'a pas été mariée vient, donc t'as pas besoin de tuteur pour te marier, pour le jihad on en a pas besoin, donc c'est des femmes. واجتمعت هذه الأشياء وابو محمد الجولاني أصبح الآن في قتال مع داعش. Il y a donc ils sont tués. هذا يكفر هذا وهذا يكفر هذا. L'autre considère l'autre comme mécréant et ainsi de suite. وهؤلاء قالوا لا نحن مع القاعدة. Et ceux-là qui disent qu'ils se revendiquent de القاعدة. داعش جبهة النصرة. Donc ce soit داعش ou النصرة. بنات القاعدة. Donc ce sont les filles de القاعدة. الأم هي القاعدة. Donc la mère c'est القاعدة. الخوارج. Tous des خوارج. وهم وجهين لعملة واحدة. Voilà donc c'est deux faces pour une seule pièce de monnaie. أنا أعجب من يتكلم في داعش ويثني على النصرة. Voilà, donc je suis vraiment étonné par le cas de celui وهم qui critique Daesh et après qui fait l'éloge de Nusra, alors que c'est tous pareil. خلافهم خلاف سياسي ليس أدبي ولا عقدي. Leur divergence est une divergence qui relève de l'ordre politique. Pas plus ni moins. أدبياتهم وعقائدهم كلها عقائد الخوارج. Voilà, que ce soit donc leur littérature, que ce soit leur dogme, tout ça, ça a le teint de Khawarij. فأدلوجياتهم أدبياتهم واحدة. Voilà, donc tous la même idéologie. ولا يزالون. Et ils le restent encore. ويصطادون في أبناء المسلمين. Donc ils chassent dans les enfants des musulmans. هذه داعش. Voilà ce que c'est داعش. وإذا أتاهم أحد أبنائنا فجروه. Voilà, et donc lorsque l'un de nos enfants arrive, donc ils mettent des explosifs, ils l'envoient. في أفغانستان قديما. En Afghanistan donc. كانوا يجعلون في الحمير. Donc ils mettaient leurs bombes sur les ânes. ويجعلون الحمار يذهب حتى يكون في وسط العدو. Voilà, ils envoyaient l'âne donc jusqu'à ce qu'il soit au milieu de l'ennemi. في وسط الروس. Voilà, au milieu des Russes. ويضغطون الكبسولة. Et après donc ils faisaient exploser. ويفجرون الحمار. Et après donc ils faisaient exploser cette âne. ويموت الحمار وسط. Et voilà, et l'âne il meurt au milieu de. تغيرت الحمير. Voilà, aujourd'hui c'est plus les mêmes ânes. أصبحوا أبناءكم. Voilà, ce sont donc nos enfants. شاب. Un jeune. والروح. Donc qui a été leurré. وهناك لجنة اسمها لجنة المناصحة في المملكة العربية السعودية. Donc et en Arabie Saoudite il y a une lignée donc qu'on appelle lignée de المناصحة. الشباب الذين يتأثرون بهذه الأفكار يناصحون. Voilà, donc tous les jeunes qui sont touchés par cette pensée, on essaie de leur apporter conseil. سبق إن شاركنا في بعضها. Et il m'est arrivé donc de participer à certains. حدثني أحد المشايخ. Un des mashayikh me raconte ممن شاركوني في ندوة. De ceux qui étaient avec moi. وبالمناسبة أنا تكلمت ندوة في داعش. Voilà, et donc à l'occasion, je peux vous dire que j'ai déjà fait une nadwa donc par rapport à cette secte. في الجامع الكبير. Donc à la grande mosquée. À Riyad. كان موجود سماحة المفتي. Et سماحة المفتي donc il était présent. وبعد ما انتهيت من محاضرتي علق عليها. Et lorsque j'ai fini donc moi mon discours, lui il a porté son commentaire. وقال أشك أن داعش مسلمين أو غير مسلمين. Voilà, il a dit j'ai vraiment un doute ces gens-là si c'est des musulmans ou pas. ارجعوا لها واسمعوها. Voilà, vous pouvez l'écouter. موجودة. Elle existe. الشاهد أن هذا الشيخ يخبرني من أحد ممن أتوه في المناصحة. Voilà, il dit où je veux revenir, c'est que ce cheikh là il me parle d'un jeune qui est venu le voir. شاب في ضغط المعاصي والذنوب. Voilà, donc c'était un jeune qui sous la pulsion donc des péchés, il s'est repenti à Allah. وأتاه من قال الجهاد الجهاد أقرب طريق إلى الجنة. Et il y a quelqu'un qui est venu le prendre par la main, lui dit, il y a que le jihad, c'est le chemin le plus proche pour le paradis. Voilà, et comme il était sous la pression des péchés, ce qu'il cherche, c'est un repentir le plus rapide. ذهب, نزل في تركيا. Donc il est parti, arrivé en Turquie. ومن تركيا على حدود السورية. Et en Turquie, donc la Syrie. دخل. Et il est rentré. أول ما دخل أخذ الجوازة. Dès qu'il est arrivé, ils lui ont pris son passeport. وجلس. Et il est resté. بعد 14 يوم 14 jours plus tard وهو شاب فيه حماس. Donc c'est un jeune donc il y a l'enthousiasme. وإذا بشخص يأتيه et qu'il y a une personne qui vient le عراقي. Voir un Irakien. قال الله أكبر. Il a dit Allah Akbar. اختارك الله للجنة. Allah t'a choisi pour le paradis. قال أنا. Il dit moi. قال نعم. Il dit oui. قال ماذا. Il dit que faut-il faire. قال غدا عملية توغلية في العدو. Donc il a dit demain il y a une opération donc pour transpercer l'ennemi. قال أنا أريد طاخ رجال أشياء. Voilà, ما أريد إلا. Voilà, il a dit moi ce que je veux de l'action, dire du feu, je veux faire avoir face à des soldats, tirer et ainsi de suite. قال اختارك الله. Il a dit Allah t'a choisi. قال أنت من متى وأنت هنا. Il a dit toi depuis quand t'es là. قال من أيام الغزو على العراق لي الآن 14 سنة. Il dit donc depuis l'invasion d'Irak, ça fait 14 ans que je suis là. قال 14 سنة ولا اختارك الله أنا 14 يوم اختارني الله. Il a dit ça fait 14 ans que tu es là et Allah t'a choisi. هذه حقيقة. 14 سنة ما اختارك الله وأنا بس 14 يوم اختارني الله. يا دي ما يسفي de 14 jours pour qu'Allah me choisisse. فلما رأى رد هذا الشاب بهذا الرد donc lorsqu'il a vu sa réponse قال ننظر المشورة il a dit on va se concerter يقول الشاب le jeune il a dit عرفت أنها تصفيتي il a dit j'ai su que ça, on allait faire mon compte لأنه رد بعقلانية لم يرد ببهيمية ولا يدي أفعل il a répondu de manière rationnelle non pas comme un animal voilà qui veulent donc le mettre ce qu'on faisait avec les ânes en Afghanistan donc qu'est-ce qui s'est passé voilà il a dit j'ai su qu'ils allaient me régler mon compte parce que j'ai vu combien de personnes ils sont passées voilà, il a dit on appelle sa famille on lui dit votre fils est mort martyr alors que c'est eux-mêmes qui l'ont tué يقول الشاب ضاقت بي الدنيا عرفت انهم بيقتلوني بس ما معي جواز ما معي شيء il a dit donc il s'est su donc il s'est senti serré j'ai pas mon passeport que faire ربطوه اخذوا كل شيء منه voilà qu'ils l'ont tout retiré يقول بعد العصر il dit après l'asr صغير il est jeune رأى احدهم رقى قلبه عليه voilà il y a quelqu'un parmi eux qui l'a vu il a eu pitié pour lui يبكي يريد يهرب voilà il pleurait il voulait sauver هرب il l'a aidé à s'enfuir voilà et il marche jour et nuit lorsqu'il est donc sorti donc, de la frontière syrienne avec la Turquie voilà donc les services de secours donc, et il y avait un représentant donc, de l'Arabie Saoudite qui était là voilà. Interrogatoire après il s'est avéré que c'était vrai فأتى وخضع للمناصحة. Donc il est venu et il s'est soumis à donc le haut conseil. هذه طريقته. Voilà donc la façon d'agir. لا للإسلام ينصرون. C'est non pas l'islam qu'ils veulent chercher la victoire. هؤلاء هم قتلة المسلمين. Donc ces gens-là, c'est ceux qui tuent les musulmans. ولا يعلم للخوارج أنهم نصروا الإسلام وأهله. Et jamais on a su de leur part qu'ils ont prêter main forte ou bien qu'ils ont ramené un appui pour l'islam. Au contraire, toutes leurs armes sont tournées vers les musulmans. Voilà, et regardez donc l'état des pays musulmans et est-ce qu'elle subit. Voilà, tous ils souhaitent s'ils revenaient à ce sur quoi ils étaient. Mais c'est auprès d'Allah qu'il faut chercher l'aide. Voilà donc Daesh. Voilà, c'est là-dessus. هذه داعش وهذا طرح داعش. Voilà donc داعش et sa façon de وهذا فكر داعش. Et ça donc c'est leur pensée. فكونوا على حذر. Donc prenez garde. أنفسكم. Que ce soit pour vos propres personnes. أبنائكم. Vos enfants. بناتكم. Vos filles. حذروا منهم في المساجد. Voilà donc mettez en garde contre eux dans les mosquées. مجرمين. Ce sont des criminels. خطيرين. أعداء للدين والسنة. Les ennemis de la religion et de la sunna. لا يعرف عنهم. N'a jamais su de sur eux. إلا اللغة الدموية. Qu'un langage sanguinaire. يباهون بذلك. Donc ils se vendent par cela. من خلال مقاطع اليوتيوب. Voilà à travers donc ce qui diffuse sur YouTube. في القتل. Lorsqu'ils tuent. والوحشية. Et aussi donc. نعم عرفنا. عرفنا. On vous connaît. وعرفنا من وراكم. Et on sait qui est derrière vous. أنتم خوارج. Vous êtes donc خوارج. واللي وراكم أنتم لهم أذناب. Et ceux qui sont derrière vous aussi, ils ont. يريدون أن يشوهوا بكم سمعة الإسلام. Voilà, à travers vous, ils essayent de salir l'image de l'islam. الإسلام سمعة قوية. Donc la réputation de l'islam elle est forte. وواضحة نقية. Et elle est claire et propre. وجميع العقلاء يعلمون أن هذا ليس من فعل الإسلام. Et tous les sages savent que ça fait pas partie de l'islam. بل إني سمعت تصريحات رؤساء دول. Même j'ai entendu donc les déclarations de présidents de pays. سواء في أوروبا أو في غيرها. Que ce soit en Europe ou ailleurs. كلهم يقولون. Tous ils disent. نحن نعلم أن هؤلاء لا يمثلون المسلمين. On sait que cela ne représente pas les musulmans. ولكن الخطورة. Mais le danger في بعض أبناء الإسلام dans certains enfants des musulmans الذين قد يقتنعون بمثل هذه الأفكار qui peuvent être influencés par ces idées مما يجدون من مقاطع الفيديو اليوتيوب là donc à travers ce qu'ils voient dans ce qui est diffusé sur YouTube أو هذه الأناشيد ou bien à travers ces anachides التي تنشر qui sont répandues الأناشيد الحماسية voilà donc ces anachides qui poussent بالتفجيرات ولا أوفت أفعل des explosions أو غير ذلك مما يفعلونه ou d'autres attentats احذروهم donc prenez garde انتبهوا منهم prenez garde فهؤلاء هم طريق الأولين donc ceux-là ils sont sur la voie de ceux qui les ont précédés أحد الأخوة il y a un des frères يقول أخي il dit mon frère وجدته je l'ai trouvé يدخل في مواقع في الانترنت. ولا donc il rentre dans certains sites. على هذه المواقع. sur ces donc pour ces gens-là. انتبهوا لبناتكم وعيالكم. donc faites attention à vos épouses, vos filles. ماذا يسمعون في الانترنت؟ qu'est-ce qu'ils écoutent sur internet؟ ماذا يقرؤون؟ qu'est-ce qu'ils lisent؟ ماذا يسمعون؟ qu'est-ce qu'ils écoutent؟ من يجالسون؟ avec qui donc ils من يخالطون؟ qui ils fréquentent؟ ما هي مسموعاتهم؟ Donc, quels sont leurs audios? Quelles sont leurs lectures? Toutes ces choses-là sont importantes. Si toi, donc, tu ne donnes pas de l'importance à tes enfants, donc ne sois pas étonné qu'on va t'appeler et qu'on te dit qu'ils ont passé donc, la frontière et qu'ils sont partis donc là où ils vont mourir. من أراد جهنم celui qui veut l'enfer فليذهب إلى داعش qu'il va donc voir داعش فهم كلاب النار ces chiens d'enfer عقيدة نقولها c'est une croyance à laquelle on croit بها donc on croit et on la déclare وذلك et cela بما يعلنون من حرب parce qu'ils ont déclaré la guerre ويندّدون ويقولون et donc et ils disent غدا في أرض الحرمين demain on va arriver à la terre des deux villes saintes أرض الحرمين فيها رجال dans la terre donc des deux maisons des deux villes saintes il y a des hommes قاموا على نشر التوحيد والسنة donc ils ont répondu l'unicité et la sunna وليسوا هم دسائس et donc ils ne sont pas أو مجاهيل voilà ils ne sont pas des gens qui sont ignorants أو نكرات voilà des gens qui sont دعاة التوحيد والسنة c'est des gens qui appellent à l'unicité et la sunna وكذا في العالم الإسلامي كله et c'est le cas dans tous les pays musulmans بجميع عقلائه avec tous ces sages يعرفون ضرر هذه الفرق ils connaissent tous la nuisance de ces goûts وهذه الانحرافات et ces déviances أسأل الله تبارك وتعالى كالله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين كل compréhension dans la religion يلا هلا سأل عندك سأل لي ما نصيحتك لبعض الأبناء الذين عندهم بعض أفكار الخوارج؟ quel est le conseil que vous apportez à certains de nos enfants qui ont les idées de الخوارج؟ عطهم هذه المحاضرة. voilà donnez-leur cette conférence. مسجلة عندكم الآن شروها. voilà donc elle est enregistrée vous pouvez la répondre. بعضهم ما يعرف هذا الكلام. certains n'ont jamais entendu de tels propos. لعله إذا سمعها ينتبه. peut-être s'il va les entendre cela va attirer son attention. يسأل عن صلاة العشاء والتأخير فيها مع رمضان. Voilà, donc il pose une question par rapport à la prière de l'Isha et le fait de la retarder pendant le mois de Ramadan. اسألوا سماحة المفتي اتصلوا به واسألوا. Voilà, donc je vous oriente vers le mufti, donc demandez-lui. هل ايش؟ هل ضعف الإيمان وقلة العمل الصالح يدل على أنه مجنون وكيف سبيل الشيطان؟ يقول كيف يفرق يعرف الإنسان أنه مجنون هل ضعف الإيمان وقل العمل الصالح يدل على أنه مجنون وكيف سبيل الشفاء voilà donc comment une personne sait si elle est possédée ou pas et est-ce que la faiblesse de la foi et le fait de manquer aux bonnes actions et bonnes œuvres montre que la personne est possédée et si c'est le cas comment se guérir لا ما أنت مجنون لو أنك مجنون ما كتبت السورة Il se peut que tu aies touché d'une folie parce que sinon tu n'aurais pas posé cette question. Il dit tu es quelqu'un de, qui a toute sa raison donc il cherche refuge auprès d'Allah contre Shaitan. Voilà, et si tu es quelqu'un qui est négligent, eh bien vas-y. Donc c'est à toi de te réformer. Ouais. Ouais, ouais. Donc, est-ce que quelqu'un qui ne priait pas avant de s'en repentir et après il se repent. Est-ce qu'il doit rattraper les prières au préalable qu'il avait ratées? إذا تبت إلى الله عز وجل الحمد لله أنت سلمت. Voilà, donc si tu t'es repenti, donc ça c'est la voie du salut. العهد اللي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Voilà, donc parce que avant de prier tu n'étais pas un musulman, maintenant tu l'es devenu. الكافر إذا أسلم ما يقضي صلوات. Voilà, donc un mécréant qui s'est converti, on lui demande pas de rattraper les prières. لأنه أسلم. Parce que maintenant il vient de se convertir. شوفوا زنا شخص في رمضان. Une personne qui a commis la fornication pendant le mois de Ramadan. Et à l'époque, il ne faisait ni la prière ni le jeûne. Comment doit-il expier ce péché? Voilà, tu ne faisais ni la prière ni le jeûne, tu étais un mécréant. Le fait que tu t'es converti. Donc, l'islam efface ce qu'il y a au préalable. رجل كان يبيع مخدرات وكان يأكل من هذا المال واشترى ملابس من هذا المال أيضا الآن تاب من هذا الخطأ ماذا يفعل بالملابس والمال التي اكتسب من هذا donc une personne qui avant donc vendait de la drogue et c'était ça toute sa subsistance elle venait de ses biens il s'est acheté des vêtements et tant d'autres choses s'il se repent est-ce qu'il doit se débarrasser de ces choses là ou bien que doit-il faire على كل ترويج المخدرات خطير. Voilà, donc répandre les drogues c'est quelque chose qui est très très dangereux. وترويج فكر الخوارج أخطر. Voilà, et répandre la pensée de Khawarij est encore beaucoup plus dangereux. ولكن هذا اللي باع بالحرام. Mais celui donc qui a pratiqué donc la vente qui était illicite. إن كان ما يصلي ولا شيء من الأمور تاب. Donc s'il ne priait pas. هذا قال فيه كما قيل في قبله أسلم. Voilà, donc celui-là, s'il ne faisait pas toutes ces choses-là, eh bien on dirait ce qu'on a dit auparavant. Et Dieu pour ma qabla. Donc il s'est converti et l'islam efface tout ce qui est au préalable. بس أنا ما أظن أنه مدمن مخدرات وبياع وهو يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد. Voilà, donc, mais je ne pense pas qu'une personne qui se drogue et qui vend la drogue quelqu'un, puisse être quelqu'un qui prie et qui veille sur la prière et la prière en groupe. أما إن كان قائم بأمور الإسلام وواقع في هذا الذنب العظيم. Par contre, si c'est un musulman qui pratique l'islam et qui tombe dans cette chose qui est gravissime. Voilà, donc il doit se débarrasser de tous ses biens illicites. Voilà, ou bien qu'il les met donc dans les choses qui sont dans les objets si vous les perdus. Voilà, donc dans les choses qui donc que ce soit donc dans les toilettes ou bien dans les choses qui vont être jetées. Voilà, non pas pour chercher une récompense, mais pour une façon de s'en débarrasser. Qu'en est-il à propos d'une personne qui défend et qui pense du bien de ceux qui considèrent les gouverneurs comme des mécréants et qui répand la pensée de Daesh sur le Facebook et qui même et qui critique certains frères qui sont sur donc certains frères salafis et alors que lui il dit que c'est un salafi du juste milieu donc, et alors que les frères lui ont apporté conseil on se fout. Apportez-lui conseil. Ruhulahala. Voilà, parlez à sa famille. Ruhulahala. Parlez à ses proches, mettez-les en garde. إذا مستمر في هذا الأمر. S'il continue sur cette chose-là. حذروا منه حتى لو تبلغون فيه الجهات المسؤولة. على أساس ما يفسد الشباب. Voilà, il faut le mettre en garde, même si on a informé les autorités, afin qu'ils ne détruisent pas d'autres jeunes. اللي يروج مخدرات بلغ عنه. Voilà, celui donc qui vend de la drogue aussi, il a le droit de le dénoncer. Et aussi celui donc celui qui répond de cette pensée-là aussi, il faut le dénoncer. Parce que là, voilà, celui qui vend de la drogue, celui-là, c'est quelqu'un, c'est de la désobéissance. Il ne cherche pas de se rapprocher d'Allah. لكن هذا الخارج يتقرب بفعله إلى الله وهو لا يزيده من الله إلا بعدا. Alors que le خارج lui il essaye pour lui c'est quelque chose qui le rapproche d'Allah alors qu'il ne le fait que l'éloigner. وفقكم الله على الشاب من سلف ورد الرحلة لطلب العلم في مصر ولكن الوالدين لا يوافقان وقال الوالد لو ذهبت إلى مصر لقاطعناك علما أن لهما كفاية في المال فما نصيحتكم؟ Donc je suis un jeune donc salafi et je veux aller en Égypte pour apprendre. Mais mes parents ne sont pas d'accord. Et mon père m'a dit que si tu mets les pieds, on rompt tous les liens avec toi. Tout en sachant qu'ils ne dépendent pas de ma, ils ont, donc ils ne dépendent pas de moi, ils ont leur suffisance. Donc obéis à tes parents. Même si l'on a 10. Si ton père il te dit une chose, donc وإذا علم الله منك صدق النية، si Allah il sait que ton intention est sincère، بيسهل لك أمرك. Il va très certainement te faciliter la tâche. مثل ما تيسرت لكم هذه الدورة. De la même manière qu'Allah vous a facilité ce séminaire. والدروس. Ainsi que les leçons. وسائل وصول المعلومة الآن كثيرة. Voilà, il est donc et à travers les moyens donc aujourd'hui. حافظات الصوت والصورة والكتب كل شيء موجود. Voilà, donc il y a des livres, il y a des sites, tout y est présent, tout y est disponible. اتصل بي شاب. Donc il y a un jeune qui m'a contacté. ويتكلم بالعربية. Qui parle en arabe. وليس هو من العرب. Et donc c'est un non-arabe. أمه وأبوه كفار. Ses deux parents sont mécréants. وأهله كفار. Et toute sa famille c'est des mécréants. لكنه هو من نفسه تعلم. Mais il a appris par lui-même. وتوين تعلمت؟ Donc je lui dis où est-ce que tu apprends? قال عن طريق الأجهزة. Il a dit à travers donc les moyens qui existent. أسمع. J'écoute. وأقرأ وموجود كل شيء. Je lis. يا أخي. Comme mon frère. إذا جاد وعلم الله منك خير. Si t'es sincère et qu'Allah sait. ولا تعصي والديك. C'est donc en toi donc c'est ta sincérité très certainement tu vas apprendre sans pour autant désobéir à tes parents. ما حال رجل يؤمن بالله بدون ولد؟ ولكن هو لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بالإسلام هل هو يخلد في النار أم سيخرج منها؟ هذا وش هذا؟ المهم قرب الترجمة. Donc connaît-il d'une personne qui croit en Allah et qui lui attribue pas d'enfant mais il ne croit pas en Muhammad صلى الله عليه وسلم et il ne croit pas en l'islam est-ce qu'il est éternel en enfer ou bien il peut en sortir؟ يعني يقصد نصراني بس ما يؤمن بالتثليث. Voilà, donc si tu veux dire que c'est un chrétien qui ne croit pas en la Trinité. لا وما يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة في المفاسد. Voilà, donc quiconque prend une autre religion que l'islam n'est pas accepté de lui. حكم العرفه كافر. Voilà, donc son jugement c'est que c'est un mécréant. غرضه. أقرأ. يقول هل الديناصورات كانت على وجود الأرض؟ تد. بس يدي أسكو الديناصور يوجد. أنا ما شفت شيء. هل أحد منكم شاف ديناصور؟ احنا عندنا ضب تمساح الاشياء هذه موجوده اما ديناصور ما اعرف ما شفت شيء باكي دي ما جي rien vu si quelqu'un a vu quelque chose donc il me donne qui mon info moi ce que j'ai vu j'ai vu des crocodiles j'ai vu mais pas des dinosaures يجيبون حفريات يقولون هذا ديناصور وهذا كذا ويرسمون ويزينون. On ramène des fossiles, on dit ça c'est des dinosaures, il les dessine et ainsi de suite. وهذا قبل 50 مليون سنة. Celui-là il a existé il y a 50 millions d'années auparavant. رقم كبير. C'est un énorme chiffre. أول ما جاءوا الجيولوجية. Donc dès que la géologie a vu le jour. السعودية في. L'Arabie Saoudite. الثلاثينات. Dans les années 30. ينقبون عن البترول. Voilà, donc ils cherchaient donc après le pétrole. ويشوفون طبقات الأحجار. Donc on voit les sphères de la terre. البدو. الصحراء. Les bédouins. عندهم القط. تعرفون القط؟ اللبن يفور. جبن. لا مو هو جبن. يفور اللبن والطفوة دي تمسك تصير يابسة. خلاص. القط. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. Voilà, en fait, c'est lorsqu'on fait bouillir le lait, donc on récupère ce qu'il y a au-dessus et donc on le laisse sécher et ça devient une matière donc blanche avec laquelle on se nourrit. C'est comme du fromage. Donc l'autre, il faisait donc des fouilles pour le pétrole. طبقات الصخور. Donc la, les sphères donc, de la terre, les couches de la terre. الطبقة الجيرية والطبقة النحاسية والطبقة في طبقات في. Voilà, donc les هذا في علم في علم الجيولوجيا. هذا علم موجود. Donc dans la géologie les différents donc strates de la terre. وفي مبالغة في الأرقام. Et donc il y a des fois donc il y a une exagération dans les chiffres. وعندهم معمل ويحللون ويخرجون عمر الحجر كم سنة. Voilà, donc ils analysent et ainsi de suite, ils peuvent te dire, donc ils datent hein, l'âge de la pierre. فأخرج لهم هذا الحجر في جيبه. Il y en a un qui a sorti une pierre dans sa poche. فأعطاه الجيولوجي. Il a donné au géologue. قال بودي تعرف هذا كم عمره. Il a dit, j'aimerais bien savoir, tu me dis, celui-là il date de quand. فقاشه. Donc il l'a mesuré. قال هذا من طبقة الأحجار الطبشورية. Voilà, donc ça, ça vient de la terre calcaire. قال سبحان الله هذا من الأحجار الطبشورية. Il dit ça, ça fait partie donc de la terre calcaire, de la pierre calcaire. كم عمرها؟ Il dit il y a combien d'années. قال له كذا ألف سنة. Il dit tant de milliers d'années. ذهب يأكل. ذهب يأكل. اقطع. Donc il a marché devant lui, il a mangé. قال هذا مزينته أمي قبل أسبوع. Il dit ça, c'est la fabrication de ma mère, ça fait seulement une semaine. اللي يسألون عن يسألون عن الديناصور الله أعلم. Posez la question, c'est les dinosaures. Celle de la connaissance, elle appartient à Allah. السلام عليكم. ديناصور. يقول نحن في سفر وجمعنا صلاة الظهر والعصر في وقت الظهر. بعض أهل العلم يرون أن أذكار المساء تبدأ بعد صلاة العصر إلى الغروب، ونحن على حال سفر متى نبدأ الأذكار؟ Donc nous sommes lorsqu'on est en voyage et nous regroupons la prière de الظهر et العصر à l'heure de الظهر. Certains ulama disent que l'adhkar du soir elle commence à partir de العصر jusqu'au coucher du soleil. Alors si c'est le cas pour nous, à partir de quand on doit commencer les dhikr du soir? الصحيح اولا اشكر صاحب السؤال سؤال جيد donc je remercie celui qui a posé la question, c'est une bonne question. ف الاذكار donc les invocations تبدا بعد العصر elle commence après la prière de l'asr قبل غروب الشمس avant que le soleil se couche. هذه اذكار المساء. Donc ça c'est les invocations du soir. والمسافر, et le voyageur إذا شافر, si donc il voyage الأذكار تتبع صلاته. Donc les invocations donc sont liées à sa prière. لأن هناك من العلماء car certains savants من قال أن ذكر المساء qui ont dit donc que les invocations du soir يبدأ بعد الزوال commence donc dès que le soleil vire du zénith. وزوال الشمس وقت بداية غروبها. Donc, et que dès que le soleil vire du zénith, ça c'est le début donc de son mouvement vers le coucher. والزوال يبدأ بعد صلاة الظهر. Et donc الزوال il commence une fois donc à l'heure de الظهر. فعلى كل فعلهم هذا صحيح. Donc ce qu'ils ont fait c'est quelque chose de correct. والمسافر يختلف عن المقيم. Et donc et le voyageur n'est pas comme celui qui est citadin. والوقت معك إلى غروب الشمس. Et t'as le temps jusqu'au coucher du soleil. فيه ساعة. Il y a donc une amplitude. كما أن أذكار الصباح. De la même manière que les invocations du matin. من بعد صلاة الفجر. Après la prière de الفجر. إلى وقت الضحى الأخير. Jusqu'à donc dernière l'heure de الضحى. أي قبل وقت الكراهة. C'est-à-dire avant donc qu'on rentre dans l'heure où il est déconseillé de prier. وقت الكراهة. Et l'heure donc où il est déconseillé de prier. يسبق أذان الظهر. Juste avant la prière, donc juste avant l'appel de la prière de الظهر. بنحو 11 إلى 8 دقائق. Entre 8 et 11 minutes. بحسب اختلاف الصيف والشتاء. Voilà, en fonction donc de la saison, que ce soit l'été ou l'hiver. وهي عندما تكون الشمس على الرأس. Et voilà, et ça c'est lorsque le soleil il est au milieu du ciel. ليس لها ظل. Donc il n'y a pas d'ombre. هذا وقت الكراهة. Voilà donc l'heure il est déconseillé de prier. يقول سؤال حيرني كثير لم أجد له جواب. أنا طالب في جامعة فرنسية وإن شاء الله سأتخرج بشهادة نجاح، لكن في نهاية الدراسة لا بد من مقابلة شفوية مع الأساتذة، علما أنهم لا يحبون الرجل المسلم الملتحي، فهل أستطيع حلق اللحية وتخفيفها من أجل النجاح، علما أنني مضطر لهذا الأمر، وبعدها أعفي لحيتي؟ أرجوكم ما هو الجواب، أفيدنا بارك الله فيكم. Donc, je suis un jeune étudiant dans une université française et bientôt, donc, je vais obtenir mon diplôme. Mais à la fin de mes études, je dois passer un oral avec des, face à des professeurs, tout en sachant qu'ils n'aiment pas les musulmans qui portent la barbe. Est-ce qu'il m'est permis donc de la raser ou bien de diminuer de sa taille, tout en sachant que je suis dans l'obligation de le faire. Et après, je vais la laisser pour toujours. حسبي الله على الخوارج اللي شوهوا صورة الإسلام. والمسلمين. On se soumet à Allah سبحانه وتعالى qui donc contre les khawarij qui ont sali notre image et l'image de l'islam. الله يوفقك. Donc Allah t'accorde le succès. وينجحك. Et qui t'accorde la réussite. تاخذ الشهادة. Et que tu auras ton diplôme. ولحيتك. Avec ta barbe. لا تمس منها شعرة. Voilà, ne touche pas un seul poil. هذا دينك. Ça c'est ta religion. أساس الله يعينك. Et c'est Allah qui t'aidera. والأمور بلها صبر. Et donc les choses nécessitent de l'endurance et de la patience. أفحسب الناس يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Les gens pensent-ils dire qu'on est des croyants sans être soumis à des épreuves? ولقد فتنا الذين من قبلنا لعلم الله الذين صبروا. Et nous avons très certainement éprouvé ceux qui les ont précédés. Et toi, afin qu'Allah sache ceux qui ont fait preuve de patience. الصابرين يعلمهم الله عز وجل يصبرون. هذا ابتلاء اصبر. Tout ça c'est des épreuves, donc fais preuve de patience et d'endurance. هم يقولون لك حلك ها؟ Eux ils te disent rase. ما. Je pense pas. دراسة. C'est des études. وانت ناجح. Et toi t'as réussi. والمقابلة خليك متهيئ لها. Voilà, et pour cet oral, prépare-toi. هم يقابلونك. Donc. يشوفون معلوماتك. Voilà, ce qu'ils jugent, ce sont tes connaissances. يعني قد يكون هناك من ليس على دينك. Très certainement, il y aura certains qui ne sont pas de la même religion que toi. لكن عاقل ما يتعمد ضرك. Mais c'est quelqu'un qui fait preuve de sagesse. عنده شيء معين يناقشك فيه. Voilà, il y a très certainement un point sur lequel il doit donc aborder avec toi. ولا يجري منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Voilà, donc l'animosité que vous avez avec certains ne vous empêche pas d'être juste. Soyez équitable. Cela est très de la piété. وبعضهم صدقت حاقد وينصب العداء وعنصري. Et très certainement, il y a des racistes, il y a ceux qui ont de la haine et ainsi de suite. هذا ليس لنا معه حديث. Celui-là, on n'a pas à parler avec lui. حديثنا مع العقلاء. Nous, on parle à des gens qui sont sensés et sages. والعقلاء سينصفونك. Et les sages, très certainement, ils vont être justes avec toi. إن كنت si متهيئ مستعد للمقابلة. Voilà, donc si tu es prêt et tu as préparé ton oral. ويحترمونك بقدر ما تحترم مبادئك أنت. Et ils te respecteront à la hauteur à laquelle tu respectes tes principes. فإذا كنت قد أعفيتها مربيا لها. Donc si tu l'as laissé. فاللحية تربيك. Donc si tu l'as laissé, donc c'est elle qui va t'éduquer. أنت تربيها. Donc toi tu la laisses pousser. لكن هي تربيك. Mais elle va t'éduquer. تمنعك من مواقف, تمنعك من أشياء. Elle va très certainement t'empêcher de faire tant de choses. لي لحية, ما تفعل أشياء. لي لحية. Voilà, je fais pas tant de choses. هي تربيك وأنت مربيها. Donc de la même manière que toi tu la laisses pousser, elle va t'éduquer. هذا وصلى الله وسلم على محمد. بارك الله فيكم أجمعين. جزاكم الله خير. على قدومكم سفركم تعبكم. Donc je vous remercie pour votre présence, pour votre voyage, pour votre fatigue, pour votre peine. ومرسي مرسي مرسي. مهم مرسي مصر لا مرسي. حكم أنتم مرسي.